De la manière de méditer par le révérend Père Rotan, général de la Compagnie de Jésus, traduit du latin, Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur 1913. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Avertissement. L'opuscule dont nous offrons la traduction n'est pas une simple méthode de méditation, c'est un excellent petit traité sur la manière de bien faire cet exercice. On y trouvera de la clarté, de l'onction même, et, ce qui est surtout à désirer dans un guide, de la sagesse. On ne traite ici que de ce qui regarde la méditation dans l'acception spéciale de ce mot. La méditation est le premier degré de l'oraison mentale, et la base, ordinairement parlant, de ceux qui sont plus relevés. C'est aussi le seul dont on puisse donner des règles proprement dites. Il y a plusieurs modes de méditation. L'auteur a choisi le plus universel, celui que Saint Ignace désigne sous le nom d'exercice des puissances de l'âme, et auquel se rapportent nécessairement tous les autres. On fera peut-être, contre cette méthode, une objection tirée de la multiplicité des actes qu'elle propose. Nous répondrons, avec l'auteur, qu'il n'est pas nécessaire de faire tous ces actes dans chaque méditation, avec lui et avec les auteurs ascétiques les plus expérimentés. Nous recommandons de suspendre ces actes aussitôt que l'amour a trouvé dans les considérations une nourriture solide, et d'entretenir, aussi longtemps qu'il sera possible, les sentiments et les affections. En présentant cette variété de points, on n'a pas prétendu mettre à la torture l'esprit de celui qui médite, on a désiré lui aplanir la voie, en lui fournissant les moyens de développer un sujet, et l'employer avec fruit et sans dégoût le temps consacré à l'exercice de la méditation. Chapitre préliminaire. Moyen nécessaire pour obtenir la grâce de bien méditer la prière, accompagné d'un ardent désir, uni à la diligence et aux efforts. L'art de méditer, il faut le reconnaître avant tout, appartient à la science des saints, et n'en est pas la partie la moins importante. Or cette science des saints, c'est l'onction du Saint-Esprit et le désir du cœur, bien plus que les préceptes et les leçons de l'homme, qui l'enseignent. Il est donc nécessaire d'avertir tout d'abord celui qui désire véritablement méditer avec fruit, de demander souvent cette grâce. Seigneur, enseignez-nous à prier, enseignez-nous à méditer. Luc 2, 1. L'onction du Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, 27. C'est cet Esprit qui prie pour nous avec des gémissements ineffables. Romains 8, 26. Personne, nous dit l'apôtre Saint Paul, ne peut dire, Seigneur Jésus, sans le secours de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 3. Qui donc pourra consacrer une heure entière à la méditation des choses divines, avec ferveur et avec fruit, si la grâce du même esprit ne le prévient et ne l'accompagne? Le premier moyen pour bien méditer sera donc de demander ardemment au Seigneur la grâce, la science de la méditation. Je dis qu'il faut faire cette demande avec ferveur, car il s'agit d'un don précieux, d'un don qui nous est absolument nécessaire, au point que l'on peut dire avec vérité, la science de la méditation, et d'une méditation fructueuse, et d'un aussi grand prix pour un religieux de notre compagnie que la grâce insigne de sa vocation, et que la persévérance dans sa vocation. L'indigent apprend avec empressement et avec plaisir un art qui lui offre l'espérance de s'enrichir en l'exerçant, avec quelle ardeur ne devons-nous pas demander, Avec quelles ailes ne nous faut-il pas mettre en pratique ce qui est pour nous un moyen infaillible d'enrichir notre pauvreté spirituelle, de remédier à toutes les misères de notre âme, bien autrement graves que tous les maux corporels? Ainsi, de notre côté, prière fervente et application sérieuse, car il ne faut pas attendre que Dieu fasse en notre faveur des miracles, et qu'il nous communique comme par infusion le don de la méditation, sans que nous fassions pour le mériter aucun effort. Cela supposé, et sans oublier ce désir sincère d'avancer dans la vertu, sans lequel tout serait inutile, j'exposerai brièvement ce que nous pourrons faire de notre part, avec le secours de la grâce divine, pour obtenir le don de la méditation. Il est des points qu'il faut observer avant la méditation, d'autres pendant la méditation, d'autres après la méditation. Ceux qu'il faut observer avant la méditation prennent le nom de préparation, et c'est par eux naturellement que nous devons commencer. Chapitre 1er. Ce qu'il faut observer avant la méditation. Deux sortes de préparation. La préparation éloignée. Premièrement, elle combat les obstacles, l'orgueil, la dissimulation, tout ce qui est péché, la dissipation de l'âme. Deuxièmement, elle emploie les moyens, les vertus contraires, surtout la mortification. La préparation prochaine, elle renferme ce que l'on doit faire la veille, avant le sommeil, le matin, au commencement de la méditation. On distingue deux sortes de préparation, l'une éloignée, l'autre prochaine. Nous avons déjà dit quelque chose de la préparation éloignée, car ce désir vrai et sincère de notre avancement, dont nous avons fait entrevoir la nécessité absolue pour méditer avec fruit, serait seule une excellente préparation à la méditation. Mais pour plus de clarté, nous entrerons dans quelques détails sur ce sujet. La préparation éloignée à la méditation n'est autre chose qu'une disposition de l'âme qui la rend propre à méditer avec fruits en éloignant les obstacles et en employant les moyens. Nous ne connaissons que trop les obstacles à la méditation, il suffira de rappeler les principaux. Premier obstacle à la méditation, l'orgueil et la vaine estime de soi-même, car il est écrit que les entretiens du Seigneur sont avec les simples et avec les humbles. Proverbe 3:32. Il regarde les humbles avec complaisance, et il ne voit que de loin les esprits hautains et superbes. Psaume 137:6. Second obstacle, la dissimulation ou le désir de paraître ce que l'on n'est pas, car l'Esprit Saint, qui est le premier maître de cette science intérieure, fuit le déguisement. Sagesse 1:5. Troisième obstacle, tous les péchés auxquels l'âme est attachée, et qu'elle ne travaille pas à détruire, parce que la sagesse n'entrera point dans une âme méchante, et qu'elle n'habitera pas dans un corps assujetti au péché. Sagesse 1:4. Et nous devons croire que le texte sacré ne fait ici mention, d'une manière aussi expresse, de la souillure du corps, que pour nous avertir avec force combien les péchés et les fautes contre la vertu angélique sont contraires aux grâces de l'Esprit Saint. Enfin, c'est encore un grand obstacle à la méditation, que la dissipation de l'âme et la négligence de la garde des sens pendant le jour. Comment, en effet, méditer avec dévotion, quand on apporte à cet exercice une imagination remplie de bagatelles? Comment être recueilli pendant l'oraison, lorsque, moins pour satisfaire aux obligations de son emploi que pour contenter sa curiosité, son immodestie et ses autres penchants vicieux, on entretient volontairement son esprit et son cœur dans une continuelle dissipation? Tels sont, pour ne point parler des autres, Les principaux obstacles que doit combattre sérieusement celui qui veut méditer avec fruit. Il doit encore employer les moyens. Ils se réduisent presque uniquement à l'exercice des vertus contraires à ces obstacles, et sont l'humilité, la simplicité ou la droiture dans nos actions, la garde des sens, etc. La pratique de ces vertus contribue beaucoup à établir l'âme dans le repos, et à la rendre par là même plus apte à la méditation, elle attire aussi sur elle une effusion plus abondante des grâces divines. Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. C'est sur eux que Dieu se plaît à faire briller la lumière de son visage, Psaume 66, 2, pendant l'oraison. Mais n'oublions pas la mortification, elle est comme le prix auquel Dieu veut que nous achetions le don de la méditation. En effet, on voit ordinairement que plus quelqu'un s'adonne à la mortification, plus il trouve de goût dans l'oraison, et que ce goût diminue dans la même proportion que la pratique de cette vertu. C'est que Dieu nous accorde volontiers ce qu'il nous voit désirer avec tant d'ardeur, que nous sommes prêts à l'acheter au prix de tous les sacrifices, sans épargner notre propre corps. Je l'avoue, cette disposition habituelle de l'âme, que j'indique comme préparation éloignée, paraît supposer l'usage de la méditation, d'une méditation même qui déjà aurait produit des fruits. Mais cette disposition a plusieurs degrés, et celui qui veut se livrer à l'exercice de la méditation avec profit doit au moins posséder les premiers. Quant au désir sincère d'avancer dans la vertu, tous doivent l'avoir, même les novices, puisque la perfection est l'unique fin que nous devons nous être proposée en entrant dans la compagnie. La préparation prochaine consiste, d'après le livre des exercices spirituels de Saint Ignace, dans les points suivants. La veille, on lira ou on entendra lire attentivement le sujet de la méditation du lendemain, pensant quel fruit on en pourra retirer relativement à l'état de son âme. Après s'être remis au lit, on repassera brièvement le même sujet avant de s'endormir. Le matin, la première pensée qui suivra le réveil sera encore le sujet de la méditation. En se levant, en allant et venant, on entretiendra cette pensée, et on nourrira des sentiments conformes au sujet de la méditation. Enfin, on commencera la méditation avec un esprit calme et recueilli. Je me tiendrai debout, ce sont les paroles mêmes de notre bienheureux Père. Le temps de réciter l'oraison dominicale, à un ou deux pas de l'endroit où je dois méditer, l'esprit élevé vers le ciel et considérant comment Dieu, notre Seigneur, me regarde. Il faut donc penser en présence de qui nous sommes, à qui nous allons parler, et, avant de nous mettre à genoux, nous représenter avec une foi vive Dieu présent, et pénétrant de son regard jusqu'au plus intime de notre âme. Je dis, avant de nous mettre à genoux, car ce vif sentiment de la présence de Dieu, nous devons l'exciter en nous, non après l'oraison préparatoire et en forme de prélude, mais avant l'oraison préparatoire, aussi bien qu'avant toute autre prière. J'ai cru devoir insister sur ce premier acte de la méditation, parce qu'on le met souvent pour se jeter à genoux avec une sorte de précipitation, sans songer à ce que l'on va faire. Il n'est aucun de ces points qui ne soit d'une grande importance, et chacun peut se persuader que ses progrès dans l'oraison mentale seront rapides, s'il les observe avec une grande fidélité, qu'ils ne seront que médiocres, s'il les observe avec moins d'exactitude, qu'ils seront nuls, s'il n'y fait aucune attention. Préparez votre âme avant la prière, et ne soyez pas comme un homme qui tente Dieu, nous dit l'Ecclésiastique 18:23. Voilà ce que Saint Ignace, notre bienheureux Père, prescrit avant l'oraison, voilà ce qu'il a fait lui-même, ce qu'il nous mit jamais d'accomplir fidèlement, bien que Dieu lui eût communiqué un don spécial d'oraison, et qu'il l'eût élevé à un degré sublime de contemplation. Combien donc n'est-il pas juste, étant aussi peu versé dans cet exercice, si enclin à la dissipation, si sujet aux distractions de tout genre, que nous nous acquittions dans tous les détails, et avec le plus grand soin, de cette préparation. On reconnaîtra ici, pour le rappeler en passant, la raison de cette persévérance que l'on met à nous recommander le silence le plus strict, la modestie la plus sévère, le soir avant le repos, et le matin avant la méditation. C'est que toute faute de ce genre, commise dans ces moments, a une influence marquée sur la méditation même, et peut-être un grand obstacle à son succès, soit à cause de la dissipation à laquelle l'âme se livre par de semblables imperfections, soit à raison de la soustraction de la grâce divine, châtiment de ces sortes d'infidélité. Nous pouvons encore ajouter à la préparation prochaine la pratique suivante. Dans la visite qui se fait le matin au Très-Saint-Sacrement, nous recommanderons le bon succès de notre méditation à notre Seigneur Jésus-Christ réellement présent, à la Très-Sainte Vierge sa Mère, et à nos saints patrons, implorant leur intercession spéciale pour l'heure de l'oraison.